Il est en train de régler sa guitare. Ah, c'est cool ça. Oh. Bon, une batterie. Tu veux une batterie? Qu'est-ce qu'on met? Basique. Mais c'est quoi ça? C'est du funk. C'était du funk. Le rock. Basique. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est? Une intro ça? On va arrêter sur une intro. Le batteur. Yeah. c'est bon, je l'ai. Je l'ai, je l'ai. Thank you. que je veux, c'est d'être bien. Les paroles. Hein. Oh putain, mais c'est chiant ce truc, mais alors. Tu cherches les paroles, tu tombes sur mythique. Attends, hein, je, le temps que tu copies, je m'en fous, je pique les paroles de téléphone. Hein. La tête vers le ciel, campée te toucher. Ce que je veux. Et tous mes sens dans tous les sens. C'est ce que je veux. Ce que je veux. Que c'est ce que tu veux. Ah, ce que je veux, c'est d'être bien. Et tout m'arrive. À toi. Attends, qu'est-ce que tu m'as dit? Il pleut, non, c'est ça?